Chapitre 32e. Il ne quitta plus l'hôpital, restant jour et nuit à ses côtés, essayant de le rassurer du mieux qu'il le pouvait. Mais malgré cela, la situation ne s'améliorait guère, au contraire. L'accident avait laissé de terribles séquelles. Un de ses reins avait été perforé, ainsi que son foie. Il faudrait opérer sans aucune assurance que son corps martyrisé ne succombe pas. La moelle épinière, elle aussi, avait subi de forts dégâts, ce qui expliquait sa paralysie. Les chirurgiens, sur son insistance, lui avaient révélé la terrible vérité. Il risquait de rester dans cet état-là définitivement. Ce jour-là, Jason voulut parler à Jeremy seul à seul. « As-tu donné de mes nouvelles à Marina ?» Stupéfait, Jeremy porta une main à son front. « Oh, mon Dieu, non, je suis désolé, mon frère, mais je n'y ai pas songé. J'avais tellement peur pour toi que... C'est mieux comme cela. Quoi? C'est toi qui me dis ça? Qu'est-ce que tu mijotes? Je peux l'appeler tout de suite et aller la chercher. Dans 2 heures, elle peut être là, à tes côtés. Non, je ne veux pas. Mais enfin, Jason, que se passe-t-il? Cet accident aurait enlevé l'amour que tu lui portes? Ah non, ça, c'est impossible, mais... Écoute-moi, Jeremy. Je vais rester infirme tout le reste de ma vie. Quelle sera la sienne de vie à mes côtés? Réponds-moi, mon frère, tu crois qu'elle mérite cet enfer? Mais que veux-tu exactement? Je veux que tu lui dises que je suis mort, Jeremy. Tu es fou, complètement fou. Tu imagines le mal que tu vas lui faire? C'est insensé, Jason, jamais je ne pourrais faire cela. Je te le demande pourtant. Tu es le seul à qui je puisse demander cette ultime faveur. Attends, écoute-moi. Je sais que tu es amoureux d'elle. Mais que vas-tu chercher là? Je le sais, Jeremy, je l'ai vue. N'oublie pas que nous sommes jumeaux et que je devine très bien ce que tu ressens. Bien sûr, si la situation avait été autre, je ne t'aurais peut-être rien dit, mais elle est ainsi et nous n'y pouvons rien. Tu sauras le lui dire, la consoler, et peut-être, qui sait, un jour elle t'aimera comme elle-même. Attends, attends, tu te rends compte de ce que tu dis, de ce que tu veux faire? D'accord, je me suis aperçu que j'étais amoureux d'elle, mais c'est toi qu'elle aime, pas moi. Réfléchis, Jason, s'il te plaît, réfléchis. Tu crois que je ne l'ai pas fait? Je n'ai plus que ça, d'ailleurs, dit-il amèrement. Je ne veux pas qu'une femme comme elle brise sa vie pour moi, c'est clair. Le silence tomba entre eux comme une chape de plomb. Jérémie se voûta, baissant les épaules. Mon Dieu, Jason, j'espère vraiment que tu sais ce que tu fais. Je suis atterré. Je ne sais plus quoi te dire pour que tu changes d'avis. Je ne changerai pas d'avis, mon frère. Maintenant, s'il te plaît, fais ce que je t'ai demandé de faire. Pars. Mais pars donc. Il cria presque les derniers mots, et dès que son frère franchit la porte, il sanglota amèrement. La vie était décidément trop cruelle. Pourquoi le destin s'acharnait-il ainsi? À présent qu'ils auraient pu être si heureux. Après tant d'années de désespoir, pour que finalement, après s'être retrouvés, la vie les sépare à nouveau si injustement. Jérémy rentra donc à Rouen le jour même, après avoir mis son père au courant. Robert ne dit rien. Il pensa seulement au sacrifice de son fils. Il ferait tout ce qu'il faut, il mettrait toute sa force, son argent, son pouvoir pour le sauver. Jérémy, à peine rentré, appela Marina. Il voulait la voir immédiatement. La jeune femme, morte d'angoisse, se précipita à l'appartement de son amant. Presque 15 jours sans aucune nouvelle de lui, personne qui pût lui répondre, cela devenait insupportable. Il fallait qu'elle sache pourquoi Jason ne voulait plus la voir. Elle fit le trajet comme dans un rêve. Lorsque la porte de l'appartement s'ouvrit et qu'elle le vit enfin devant elle, elle ne put résister et se précipita dans ses bras. Jérémy la serra très fort contre lui, ne sachant que faire d'autre. La méprise de la jeune femme, le prenant pour son frère, le contraria un bref instant. Pourtant, il lui fallait chasser cette idée de son esprit. Il n'aurait pu feindre longtemps d'être Jason. Marina, je suis Jérémy. Jérémy? Mais où est Jason? Le visage interrogateur tourné vers lui et l'amour profond qu'il lisait dans ses yeux lui fit mal, si mal. Comment lui dire? Que faire? À cet instant précis, il aurait voulu revenir en arrière Peut-être que si c'était lui qui avait été chercher son père à Paris, cet accident n'aurait jamais eu lieu. Jérémy, que se passe-t-il enfin? Jason ne veut plus me voir, c'est ça? Non, non, ce n'est pas cela. J'aurais peut-être préféré ça à Marina. Jason a eu un accident de voiture et il est quoi? Hurla-t-elle. Il est mort, Marina. La jeune femme regarda Jérémy sans le voir, la bouche ouverte sur un cri qui jaillit si puissamment que le jeune homme en sursauta. Elle se recroquevilla sur elle-même et serait tombée s'il ne l'avait rattrapée à temps. Elle sanglotait, toutes les larmes de son corps en répétant comme une litanie. Pas Jason, pas lui, c'est impossible. La douleur était tellement forte, tellement insupportable, qu'elle ne sentit pas Jérémy la transporter et l'asseoir sur le canapé. Marina, je suis désolée. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. J'ai oublié de vous prévenir, j'étais sous le choc comme toute la famille. La jeune femme ne répondit pas. Son cœur était mort avec l'homme qu'elle aimait. Elle ne sentait plus rien, ne voyait plus rien. Elle n'avait qu'une envie, une seule, mourir et le rejoindre. Jamais elle ne pourrait vivre sans lui. En si peu de temps, il s'était tout donné, corps, cœur et âme. Il ne faisait qu'un seul être. Jamais elle ne pourrait vivre sans lui. Il faudrait si peu de choses pour aller le retrouver. Elle voulut rentrer chez elle. Je vais vous raccompagner, Marina, et si vous avez besoin de moi, à toute heure du jour et de la nuit, appelez-moi, je serai là tout de suite. Pourquoi? Le cri étranglé, plein de détresse, le percuta comme une balle en plein cœur. Il sentit, ou plutôt ressentit tant d'amour pour elle qu'il ne put s'empêcher de lui dire ces paroles fatidiques. Parce que je vous aime, Marina. Je vous ai aimé dès le premier instant où mes yeux se sont posés sur vous. Je sais que ce n'est pas vraiment l'instant choisi pour vous dire cela, mais il fallait que vous le sachiez. Oh, Jérémy, je suis désolée pour vous, mais jamais personne au monde ne pourra remplacer Jason. Je l'aime si pleinement que tout mon cœur lui appartient. Pardon, Jérémy. Non, ne me donnez pas d'excuses. Il n'y a aucune raison, bonne raison, que celle que vous m'ayez déjà dite. Je comprends, Marina, bien que j'aie mal pour vous et pour moi aussi. C'est ainsi, et c'est tout. Je vous raccompagne. Permettez-moi juste de vous appeler et de vous voir de temps à autre. Je ne pourrais pas, Jérémy. Vous lui ressemblez de trop. Ce serait trop pénible. Qui sait, dans bien longtemps, peut-être. Je comprends. D'accord. Mais je vous appellerai quand même. Si vous voulez. À présent, ramenez-moi. Je crois que je ne suis pas capable de conduire. Dans la semaine qui suivit, elle erra dans son appartement comme une âme en peine. Elle appela sa meilleure amie et la mit au courant de sa détresse. Océane essaya par tous les moyens de la consoler. Elle avait très peur que son amie ne fasse une énorme bêtise. Marina ne sortait plus, se laissant aller. Elle ne pensait plus qu'à son amour perdu. Doucement, elle avait l'impression de se laisser glisser vers la mort, la délivrance. Elle aurait voulu s'allonger près de lui, lui prendre la main et le rejoindre. Marina, lui dit un jour Océane, Marina, regarde-moi. Je te vois sous un profil que je ne reconnais pas. Tu n'es plus la Marina qui se battait, qui en voulait. Tu as passé si peu de temps avec lui. Comment as-tu pu en arriver là? Pardonne-moi, mais quand je te regarde, je vois une loque, un déchet. Je sais, mon ami. Mais avant, peut-être, j'aurais pu réagir. Maintenant, je n'en ai plus l'envie. Il était ma vie, mon souffle, l'autre moitié de tout mon corps. Et sans cette moitié, je ne veux plus vivre. Je ne peux plus vivre. Tu ne vas pas faire de bêtises, au moins. Marina, réponds-moi franchement. Je veux que tu me promettes de ne pas attenter à tes jours. Je peux te le promettre, mais je n'attends pas à ma vie, je n'en ai plus. Elle éclata en sanglots secs, elle n'avait plus de larmes. Le téléphone sonna à ce moment précis. Océane décrocha. Marina? Non, son ami Océane, qui êtes-vous? Je m'appelle Jeremy, je suis le frère de Jason. Je sais qui vous êtes. Je vous aurais bien passé, Marina, mais je crois que vous tombez au plus mauvais moment. Je vais même être obligée de raccrocher. Elle a besoin de moi. Attendez, je vous en prie, rien qu'une minute. Comment va-t-elle? Je veux dire réellement. Je ne peux pas vous parler maintenant, je suis désolée. J'ai compris. Elle écoute et vous ne voulez pas qu'elle entende, c'est cela? Exactement, mais peut-être pourriez-vous rappeler plus tard. Je vais faire mieux. Je vais me garer à droite de sa rue et vous y attendre. Et là, j'espère que vous me parlerez d'elle. Sans aucun problème. Vous pourrez rappeler dans 1 heure. Au revoir, Jérémy. Océane raccrocha et reprit Marina dans ses bras. De grands cernes mauves soulignaient ses yeux rougis. Elle avait perdu tellement de poids que la jeune femme enveloppée était presque revenue à sa taille de jeune fille. Océane avait de plus en plus peur pour son amie. Elle pensait ne pas faire de bêtises en parlant au frère de Jason. Mais de toute façon, il lui fallait trouver une solution pour tirer Marina de ce mauvais pas avant qu'il ne soit trop tard. Elle prépara un peu de thé et mit quelques gâteaux sur une assiette. Marina avait toujours été gourmande. Peut-être en mangerait-elle quelques-uns. Son espérance tourna court. Elle ne prit qu'une ou deux gorgées de thé et avala en même temps 2 comprimés. Que fais-tu? Demanda Océane inquiète. Toi qui détestes les médicaments, explique-moi ce que tu viens d'avaler là. Ce sont des somnifères, je n'arrive plus à dormir. Mais Marina, il n'est que 16 heures. Tu prends ces comprimés maintenant? Il n'est que 16 heures, dis-tu? Excuse-moi, je croyais que nous étions en soirée. Je ne sais plus trop où j'en suis en ce moment. Pardonne-moi, mais il va falloir que je m'allonge ou je vais m'endormir ici. Merci d'être venu me voir, cela m'a fait du bien. Tu veux bien refermer la porte derrière toi? Marina planta là son amie sidérée. Elle devient folle. Il faut que j'en parle à ce Jérémy. Peut-être aura-t-il une solution à me proposer. Océane vit la voiture arrêtée à quelques dizaines de mètres. La portière avant droite, ouverte, l'invitait à monter. Elle hésita, puis s'assit à côté du conducteur. Je suppose que vous êtes Jérémy. Dans le cas contraire, nous n'avons rien à nous dire. Jérémy, surpris, écarquilla les yeux. Océane était bien jolie, quels yeux magnifiques. Mais il fallait penser aux choses sérieuses. Donnez-moi vite des nouvelles de Marina. Au téléphone, j'ai cru comprendre que cela n'allait pas. Le mot est faible. Elle se laisse mourir, tout simplement. Justement, si je suis venue, c'est que je ne sais plus que faire, et qui sait que si cela continue, je vais la retrouver sur son lit un beau matin sans vie. C'est à ce point. Vous voulez peut-être le constater par vous-même? Quelques instants plus tard, Jérémy regardait Marina dormir. Dieu, qu'elle avait maigri! Son corps était si agité que son sommeil ne paraissait pas le moins du monde réparateur. Il prit Océane par un bras et ils sortirent de l'appartement. Ce n'est pas possible. On dirait qu'elle ne mange pas grand-chose. Elle ne mange plus, vous voulez dire? Oh bon sang, je l'avais pourtant prévenue. Attendez, qui avez-vous prévenu? Aucune importance. Je vous remercie. Je dois partir à présent, mais je vous en prie, ne vous en faites plus de soucis. Ne vous faites plus de soucis. Je prends la situation en main et tout va aller pour le mieux rapidement. Maintenant, j'ai beaucoup à faire. Excusez-moi. Au revoir, Océane. Vous êtes certain de ce que vous venez de me dire? Peut-être pourriez-vous m'expliquer un peu? Écoutez, Océane, je n'ai pas le temps. Vu l'état de Marina, je dois faire vite. Ayez juste confiance en moi. Je vous promets que d'ici 2 jours, tout ira mieux. Lorsque Jérémy démarra, laissant la jeune femme seule sur le trottoir, celle-ci se demanda comment le frère de Jason allait bien pouvoir améliorer les choses en 2 jours. Le jeune homme conduisit comme un fou jusqu'à la clinique américaine d'Honfleur où Jason avait été transféré. Il marmonnait et jurait entre ses dents. Il va m'entendre, oh oui, je vais lui asséner quelques bonnes vérités. Et s'il ne veut pas écouter, eh bien je prendrai sa place, c'est décidé. Mais je vais aussi le lui dire, ça lui apprendra.